danse impro. Ça donne chaud. Nous levons dans la crise, nous parlons au milieu de la crise, nous marchons en pleine crise, nous lisons la crise en petits caractères dans les journaux, nous achetons de petits paquets de crise en promotion dans les supermarchés, nous digérons la crise dans nos intestins grêles, nous nettoyons la crise devant nos portes, balayons la crise dans les rues, nous mettons en vain la crise en cellules de dégrisement, nous conduisons la crise tous les matins, nous alimentons la crise de sa ration de pétrole, de fatigue et d'ennui, nous travaillons la crise, ou plutôt nous ne la travaillons pas assez, nous nourrissons la crise à force d'habitude, nous dépensons la crise en petites coupures, en liquidité, en gros virements, en ordre de placement, nous avalons la crise de force, nous vomissons la crise sur toutes les ondes radio, sur tous les canaux d'information, nous buvons des litres de crise, toujours l'avant-dernier verre de crise avant de rentrer dans sa crise à soi. Nous partageons la crise, toujours la part maximale pour ceux qui y sont habitués. Nous refilons la crise aux autres, à ceux du sud, de l'est, à ceux du dehors. Nous habillons de crise démodée dès le premier essayage. Nous réfléchissons la crise qui nous renvoie notre propre image. Nous applaudissons la crise sur les scènes de spectacle. Nous branchons la crise au milieu de notre système social. Nous séduisons la crise à petits coups de manque. Nous laissons pénétrer par la crise. Nous touchons la crise par chaque parcelle de notre peau. Nous faisons l'amour dans toutes les positions à la crise. Nous jouissons dans un cri. Nous jouissons dans la crise. Nous nous endormons dans la crise. Rassasié, défoncé, abruti, affamé. Alors c'est une tentative d'écouter un disque qui ne passe pas, qui ne marche pas. C'est peut-être le poème précédent qui est en train de travailler. C'est un disque qui est formidable, que vous n'entendrez peut-être pas, qui est de Christophe Tarkos. Tarkos, c'est un nom qu'on peut lire à l'envers. À l'envers, Tarkos, ça fait Socrate. Christophe Tarkos, c'est un grand, grand poète qui malheureusement est mort à l'âge à peu près de 40 ans, il y a une dizaine d'années. Et c'est quelqu'un qui a révolutionné vraiment le rapport entre l'écrit et l'oral, parce que c'est quelqu'un qui travaillait l'improvisation, justement. Il venait avec une petite idée en tête et il laissait filer d'où le flux des mots et il faisait entendre ce que c'est que penser d'une certaine manière. Alors là, c'est très intéressant parce que vous n'entendrez sans doute pas Christophe Tarkos qui ne veut pas, qui se refuse ici, qui se refuse à l'éphémère, peut-être, je ne sais pas pourquoi, il se refuse à l'éphémère, Christophe Tarkos. Alors c'était un poème, ce serait un poème qui s'appelle J'ai un problème en plus. C'est le titre du poème, c'est J'ai un problème, c'est complètement explicite et c'est un poème qui est collé. Mais collé à quoi, c'est ce qu'on se demande. Voilà. Collé à quoi? Ça ne marche pas? On tente autre chose, tant pis. On est vraiment en France Impro. C'est de l'improvisation. Hein, c'est vraiment dommage, ça ne fonctionne pas, mais je. Attendez, là on voit les mines déconfites de nos techniciens, mais ils n'ont pas abandonné, hein, j'ai l'impression qu'ils sont encore. Hein. Bon, après, bon. Voilà, hein, bonjour à tous. Voici les techniciens, hein, avec les grosses gouttes sur le front. Salut France Impro, ça va ou quoi? Oui, c'est super. Eh ben, bienvenue dans cette émission du 15 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 15 novembre, nous sommes très contents de vous accueillir. Voilà, mais et vous avez entendu la douce voix de Sébastien Lespinasse, qui est un des murs porteurs de la poésie sonore toulousaine et nationale, voire internationale, même de l'univers. Hein, oui. Ça va vite. Hein, ah oui, oui, l'univers, ça me paraît être les dimensions justes, oui, pour démarrer ce samedi matin. En fait, le poème que je viens de vous lire s'intitule « Pompant la crise ». Et c'est un texte qui fait partie d'un ensemble de textes que je suis en train d'écrire en ce moment sur une sorte de, comment dire, de recueil expérimental, un recueil de folie, on va dire, dont le titre, pour le moment, n'y voyez aucune allusion à une actualité récente, est « Carnaval marine ». Et donc, c'est un extrait de « Carnaval marine », c'est dans la partie qui s'appelle « Nous ». À la dernière partie de ce livre, on entend Christophe Tarkos. C'est-à-dire, j'ai un problème, c'est complètement explicite. C'est-à-dire, je dis pas c'est un problème et après je dis c'est complètement explicite. J'ai dit d'un coup c'est un problème, c'est complètement explicite. C'est-à-dire, j'ai dit d'un coup c'est un problème, c'est complètement explicite. C'est-à-dire, j'ai dit d'un coup c'est un problème, c'est complètement explicite. C'est-à-dire, c'est d'un seul coup. J'ai remarqué que tout était complètement collé. J'ai remarqué que j'ai dit d'un coup c'est un problème, c'est complètement explicite. J'ai dit d'un coup c'est un problème. Voilà, alors décidément, hein, y a un problème, j'ai l'impression, ça c'est assez récurrent. Du coup. On va peut-être passer à autre chose. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein, personnellement, ce côté, ce CD qui veut parler lui-même aussi. Ouais. Venir alors, en fait, le fait que le CD ne marche pas et qu'on entende juste la voix qui est répétitive, ouais. C'est exactement ce que cherche Tarkos. C'est-à-dire, et je ne plaisante pas, ce que cherche Tarkos, en fait, et c'est pour ça que c'est un poète qui, pour moi, est important par rapport à l'idée de ce que c'est que la poésie sonore, ou ce qu'on peut appeler une espèce de poésie sonore, c'est que... En fait, Tarkos, quand il dit ce poème, il dit, donc, c'est un type qui parle et qui dit « j'ai un problème, voilà, c'est complètement explicite, j'ai un problème ». Et on sent que, en fait, de la manière qu'il a de le dire, c'est explicite qu'il a un problème. C'est-à-dire, et il a un problème parce que tout est collé. Il n'arrive pas à décoller, en fait, son problème de la manière qu'il a de le dire. Et donc, il ne peut pas le voir. Il est prisonnier de son problème. Et en fait, peut-être la poésie sonore, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une manière d'essayer de chercher l'expressivité, c'est-à-dire comment la manière de dire est déjà le sens du poème. Non pas d'un côté, il y a le sens, l'écrit, l'écriture, etc. Et puis la voix, c'est une actualisation, une réalisation. Non, non. La voix, la manière de dire, c'est le poème. C'est-à-dire, le poème est indépendant. Et comment dire ? On ne peut pas séparer le poème de la manière dont il est dit, parce qu'il est fait pour être dit. Tarkos, en fait, quand il fait ce poème-là, comme bien d'autres, il a une vague idée de ce qu'il va faire et il suit sa ligne, comme ça. Il suit sa ligne. Il a juste quelques mots, il a des bribes. Et après, il va improviser, va rentrer dedans, va rentrer dans une espèce de spirale. Et c'est la voix elle-même, c'est le moment lui-même, la voix elle-même qui va faire sens. Alors ça, c'est très virtuose. Moi, j'en suis... cette sorte d'improvisation verbale, une semi-improvisation, parce qu'on sait bien que le mot improvisation, on va utiliser tous les guillemets possibles, parce qu'il y a une mémoire orale, il y a une culture, on vient pas de nulle part, on est toujours au milieu d'un ensemble, on est toujours au milieu d'une histoire, on est toujours au milieu d'une sorte d'écriture de sa propre vie, et l'improvisation, c'est simplement peut-être une envie de ne pas trop fixer cette écriture, mais de la laisser encore un peu vagabonder, aller dans des voies buissonnières, aller se perdre un petit peu. Moi, je le vois comme ça, mais je ne vois pas d'improvisation pure et absolue. Et Tarkos, lui, il va avec ça, c'est-à-dire il va avec quelques bribes, avec une idée, et surtout avec une pensée du monde, une pensée de... Et c'est ça son matériau, son vrai livre, c'est ce qu'il a dans la tête, en fait. Il est là, le livre, il est dans sa tête. C'est une expérience limite, c'est une sorte de... C'est un poète lui-même, quoi, d'une certaine manière, au-delà du texte, au-delà des mots, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a, un travail sur les sonorités, du coup, qui c'est plus. Il y a vraiment ce passage à l'oral, du coup, d'incarnation par rapport au texte. Mais le travail sonorité, il participe complètement d'un sens qui n'est pas que musical, disons, qui est aussi un sens discursif, qui est aussi je veux dire quelque chose sur ce que c'est qu'être vivant, ce que c'est qu'être parlant, etc., etc. Et j'aime bien aussi cette dimension-là, parce que dans la poésie sonore, il y a aussi bien sûr toute une lignée qui est apparue, alors c'est toujours compliqué ces histoires de dates, de précurseurs, on va dire avec le mouvement Dada, avec les futuristes, avec les lettristes un peu plus tard, les années 50, bref, même si vous ne connaissez pas ces noms, c'est pas grave, toutes sortes de gens qui se sont dit on va travailler la vocalité, c'est-à-dire non plus le sens des mots, fabriquer des phrases, etc., mais travailler sur le grain, le souffle même de la voix, et composer comme des sortes de musiciens en fait, composer à partir de ce qu'il y a avant le langage, une espèce de langue qu'il y a avant le langage. Voilà, donc ça c'est encore une autre branche de la poésie sonore qui moi m'intéresse beaucoup, mais qui est encore plus, comment dire, qui abandonne un peu la question du langage d'une certaine manière pour moi, ou qui l'abandonne au profit du langage musical, qui est bien un langage aussi, la musique est aussi une forme de langage qui dit des tas de choses, même si on a du mal des fois à les dire, parce qu'elles ne se disent pas autrement que de la manière dont elles sont, je sais pas. Mais pour la poésie sonore, il me semble qu'il y a un peu ces deux voies divergentes depuis les origines. Un travail sur la langue, la syntaxe, l'écriture, sur le sens des mots, comment on renouvelle les mots qu'on utilise tous les jours. Et puis d'autres qui vont plus dans une sorte d'écriture expressivité du corps. Écriture expressivité de la langue, de la glotte, des miasmes, de tout ce qui fait une... Tout ce qui fait une vie corporelle du souffle. Voilà. Alors, peut-être je peux vous interpréter. Attends une petite seconde. Peut-être je peux vous interpréter un poème qui est vraiment à la limite entre les deux, qui est un poème quasiment improvisé dans le sens où j'ai quelques mots sur une feuille. Après, il y a juste une intention. Et c'est à moi de me débrouiller, de le rendre vivant. Alors, je vais vous faire ce poème. Vas-y. C'est un poème que j'ai intitulé Variation F, en hommage à Bernard Heidsieck, qui n'arrêtait pas de faire des variations. Et c'est un poème, d'expiration. C'est-à-dire, c'est pas la question n'est plus celle de l'inspiration poétique, mais plutôt de l'expiration. Souffle. Souffle fini, souffle fini, fini, fini. Passionnément. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, le pa, pa, le faux pa, le pa, pa, pa, pa, le pa, le mot, le mauvais, le mauvais pa, pa, pa, pa, le pa, le papa, le mauvais papa, le mauve, le pa, pa, pa, passe, pa, pa, passe, passe, passe, il passe, il pa, pa, il passe, le pas du pape, du pape sur le pape du pas du passe, passe, passe, passe le sur le pas, le passi, passi, passi, pisser sur le pape, sur papa, sur le, sur la pipe du papa, du pape, pisser en masse. Passe, passe, passi, passe, passi, la passe, la basse. Passi, passe, passi, la passion, passion, basson, le bas, le pas, passion, le basson, et pas, le basso, do, pas, pas, pas, do. Passe, passion, passion, do, ne domine, ne passi, ne dominez pas vos passions passives, ne dominez vos passions, vos si vos passions, ne do, vos dominos d'or, c'est dommage, do, pas, pas, ne domine, pas, pas, passe, passion, vos pas, ne do, ne dominez pas, vos passes, passion, vos pas, vos pas dévorant, ne dominez pas vos rats, pas vos rats, ne do dévorant, ne dominez pas vos rats, vos rations, ne dominez pas vos passions, rations, vos, ne dominez pas vos nevaux, ne do, minez, minez vos nations, mimez do, minez do, ne mi pas, pas vos rats, vos passionnantes rations de rats, de pas, pas, passe, passion, minez pas vos passions, vos rationnants ragoûts de rats, dévot, dévorez-les, dévot, dominez pas cet avant-goût de ragoût de pas, de passe, de passi, de pasi, graphi, graphifi, graphifi, de fi, fifi, fena, fenakiki, fenakisti, coco, fenakistico, fifi, fofo, fifi, photo, dodo, dominé, do, photo, mimé, fifi, photo, micrographié, vos goûts, c'est pou, chorégraphique, fifi, de vos dégoûts, de vos dégâts, pas ça! Passion, passion de gars, coco, kistico, gars, les dégâts, pas, les papas, passion, pas passion, passion, passionné, né, il est né de l'année, de la négation, passion, gras, crache sur vos nations, cra de la neige. Il est né passionné, né, il est né à la nage, à la rage, il est né à l'année, à la nécronage, rage, il est né de l'année, de la néga, néga, ga, cra, crache de l'année, de la ga, pa, néga, négation, passion, passionné, né, passionnem, je t'aime, passionnem, t'aime, je t'aime, je passion, j'aime, passionné, émersion, passion, passionné, je t'aime, passe, passion, oh, passion, passion, crache sur les rations, ma grande, ma terrible passion, passionnée, terrible passion, je t'aime passionnément. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre Alors, j'ai choisi, en fait, pour ce matin, de vous faire entendre là un poème d'un poète roumain, d'origine roumaine, mais qui s'est exprimé toujours en français, quasiment toujours, qui s'appelle Gerasim Luka. Là, ce poème s'intitule « Passionnément ». C'est un poème que je trouve, un poème qui a été vraiment important pour moi. D'ailleurs, toute l'œuvre de Gerasim Luka est vraiment quelque chose d'important pour moi. Là, on entend une voix bégayante, en fait, une voix bégayante de l'émotion. Et le principe du poète est un principe extrêmement simple, d'une certaine manière. Il a décomposé le mot passionnément, l'adverbe passionnément, et il est parti de pas à pas. Et petit à petit, il est allé chercher comment, à l'intérieur du mot passionnément, il y avait tout un monde d'autres mots qui s'engendrent les uns les autres. C'est-à-dire que là, ici, ce que fait Gerasim Luka, c'est un acte radical par rapport à la poésie traditionnelle. La poésie traditionnelle est plutôt basée sur des jeux d'images, on va dire. En tout cas, en France, elle est plutôt basée sur des séries de métaphores, de comparaisons. Lui, Gerasim Luka, comme Zara, comme certains poètes dada, c'est la ligne sonore musicale qui l'intéresse. Donc en fait, il part à l'aventure de tout ce que recèle comme possibilité de dérivation, de mots, le mot passionnément. Et là, on n'est plus dans la construction de phrases, on n'est plus dans une unité du vers, on est dans une parole disloquée, bégayante, et en même temps, ce bégaiement, c'est l'émotion elle-même de dire passionnément. C'est-à-dire, d'une certaine manière, en faisant entendre ce poème, ce mot passionnément de cette manière-là, c'est une manière, comme on dit aujourd'hui en jargon, performative, c'est-à-dire la manière de dire, c'est ce qui est dit, c'est la même chose, c'est indissociable, comme pour le poème que vous n'avez pas entendu de Tarkos. Hein, c'est la manière de dire, c'est la même chose que ce qui est dit. C'est une forme-sens complètement aboutie, achevée. Et alors moi, j'ai beaucoup aimé parce que là, il y a plusieurs choses qui sont importantes pour moi en tant que poète, écrivain, performeur, je sais pas quoi. C'est d'abord lutter contre la phrase. Pourquoi lutter contre la phrase ? C'est pas parce qu'on n'aime pas les phrases, mais c'est parce que dans la phrase française, il y a un côté hiérarchique. On hiérarchise toutes les informations. Il y a des mots plus importants que d'autres. Il y a une manière de construire. Là, en déconstruisant, en défaisant les phrases, on n'est plus que dans le pouvoir du mot. Qu'est-ce que le mot suggère ? Qu'est-ce qu'il ouvre ? Et donc, il y a une écriture qui, à mon avis, est plus basée sur une écriture d'intensité. Il ne s'agit pas tant de délivrer un discours, un message, que de parcourir l'ensemble des intensités possibles par la langue que ouvre la ligne sonore à l'intérieur du mot passionnément. Et donc, je trouve que c'est une manière libre de construire. Et c'est ça qui m'importe, moi, c'est de trouver des gens qui ont la force de s'arracher des manières de parler communes et courantes qui véhiculent toutes sortes de saloperies idéologiques à l'intérieur. Par exemple, le fait que le sujet est le maître de ses actions, ce qui veut dire aussi qu'il en est coupable, etc. Enfin, tout ça est très compliqué, mais il y a beaucoup de choses là-dessus. Et donc, trouver un moyen pour que le langage devienne une autre manière de sentir le monde. C'est extrêmement important parce que nous percevons le monde à travers le langage. Nous pensons à travers le langage, quand même, en grande partie. Pas seulement, hein, on peut penser en dehors du langage articulé, des mots, etc. Mais enfin, en grande partie, nous découpons notre expérience du monde à travers le langage. Donc évidemment, si nous sommes capables de recoller les morceaux autrement, peut-être nous allons... Peut-être nous pouvons rentrer dans une certaine joie de foutre le bordel et de refaire les choses comme il faudrait, c'est-à-dire avec un peu de liberté. Et non pas dans ces espèces de carcans de langue où tout est bien à sa place et ne bouge pas. Voilà, je lutte contre le sujet verbe COD. Hein, je refuse le COD. Ou le COI, encore plus. Quoi. Je plaisante, mais je refuse. Hein, la langue et la grammaire, elle est d'une certaine manière, elle contient toute une idéologie hein, là-dedans. Et donc, il faut travailler avec ça. Il faut travailler avec ces choses-là, me semble-t-il. Ça rejoint un petit peu aussi le travail qu'on fait peut-être en musique improvisée, du coup, on combat aussi tous ces discours musicaux, du coup, de déconstruction, d'aller ailleurs et chercher aussi ces rapports de force qu'il peut y avoir entre solistes et, oui. Et oui, le chef d'orchestre voilà. qui se fait obéir au doigt et à la baguette avec le premier violon qui se fait applaudir et qui applaudit le qui serre la main du grand maître, etc. Mais bien sûr, tout ce cérémonial là un peu stupide qui n'est pas le, qui ne met pas en évidence d'ailleurs la, la beauté de des œuvres qui sont jouées, que ce soit Stravinsky ou Mozart, quoi, qui eux quelque part sont ailleurs que dans ce cérémonial là. Il y a toujours aussi cette écriture aussi d'être acteur comme on l'est par rapport à... Il y a toujours un respect de la partition qu'il peut y avoir dans la musique dite classique ou écrite et, ouais. et on essaye de... Je pense que ça rejoint ce côté d'être acteur par rapport à un texte aussi, d'avoir sa part du moment qu'on est dans une espèce de présent. C'est cette forme d'improvisation. Pour la musique, moi, je ne peux pas trop me prononcer parce que, à part pour des gens qui savent lire la musique, pour l'essentiel d'entre nous, on connaît la musique par la manière dont elle est jouée. Mais pour le livre, il est clair que, après tout, si on écrit un texte sur une feuille, il existe sur la feuille, mais pourquoi est-ce que quand on le lit, il n'existerait pas en tant que lecture ? C'est-à-dire, pourquoi la lecture ne serait-elle pas un acte aussi créatif que l'écriture ? Voilà, hein, pour le dire simplement. Voilà, alors c'est intéressant, moi je vous remercie de m'inviter d'ailleurs pour ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de retracer par rapport à mon petit parcours à moi, c'est de voir que, en fait, tout ça, là, le poème de Gerasim Louka, il date des années 70, je crois, celui de Tarkos des années 80. Bref, il y a une histoire de tout ça. Ça peut paraître neuf pour certaines personnes parce que l'école, qui est le vecteur de connaissance de la poésie, ça, reste arc-bouté sur les formes écrites qui peuvent être très belles, hein, j'ai rien contre Verlaine ou Ronsard, bien au contraire, mais c'est une certaine histoire de la poésie, il en existe d'autres, voilà, tout simplement, il en existe d'autres, et c'est important ce parti pris de l'oralité, quoi, qu'on trouve dans évidemment bien d'autres cultures que la culture française, et c'est bien aussi d'être irrigué par d'autres forces, d'autres manières de construire, de faire sens, de créer de la sensibilité. Comment t'as atterri là-dedans, toi, du coup ? Alors moi, c'est pour faire rapidement, pour pas me perdre trop, mais disons que j'ai très jeune perçu un décalage entre une chose très simple qui est la vie pourrait être extraordinaire et le monde n'est pas libre, le monde est fermé, le monde est clos. Et moi-même, je participe par mon existence à cette clôture du monde. Quand je dis le monde est clos, c'est que, pour dire les choses très simplement, il y a tellement de manières différentes de parler, de marcher, de s'asseoir, de dormir, de faire l'amour, de manger, de se vêtir, etc., etc. Pourquoi il y en a seulement un tout petit nombre qui sont réalisés chaque jour ? Pourquoi c'est si... Pourquoi quelque part nous sommes tellement pris dans une grille ? Et ça, je l'ai perçu assez vite, et j'ai été fasciné presque avec une certaine forme de snobisme quand j'étais adolescent. Je me souviens avoir vu dans le manuel de français un poème de Tristan Tzara qui s'appelle Persienne et qui est uniquement construit par le mot persienne qui est répété, je sais pas, 14 ou 16 fois comme ça. Et je me disais, ça c'est bien parce que là, il refuse plein de trucs. Il ouvre autre chose, c'est pas suffisant, mais il refuse plein de trucs. Et alors après, moi, mon but, c'était d'agir dans la rue, c'était de faire de l'agit-prop. J'ai fondé un groupe, pas tout seul, mais enfin, on a fondé un groupe qui s'appelait le groupe Brancard, et on faisait des agitations de rue qui étaient assez... qui pouvaient être un peu potaches. Je me souviens, par exemple, de l'attaque du McDonald's de la place du Capitole, où nous étions une quinzaine, nous sommes rentrés dans le McDonald's, j'avais 18 ou 19 ans, hein. Et on est allé au deuxième étage et on s'est mis tous à lire des textes de différentes langues, d'abord tout doucement jusqu'à ce que ça soit très fort, et puis évidemment nous nous sommes fait virer par le vigile, qui a eu une phrase magnifique, le cercle des poètes disparus disparaissait. Et évidemment, le vigile qui nous a exclus, c'était un grand noir, super balèze et tout, on n'a évidemment pas résisté. Et on est descendu très digne en tenant le livre contre la poitrine. Bon, c'était évidemment très potache, c'était une manière d'emmerder le monde, mais c'est pas mal d'emmerder le monde un peu. Voilà, donc au début, ça a été ça. Puis après, j'ai eu la chance de découvrir qu'en fait, parce que moi mon but c'était quand même de changer un peu la perception des choses, de changer la perception de la ville. Juste un autre exemple aussi rapidement, On faisait des petites actions politiques très simples, complètement éphémères, sur les passages cloutés lors du feu rouge. Donc, par exemple, on se mettait à marcher sur le passage et tout d'un coup, on s'immobilisait pendant 15 secondes. Et les automobilistes disent « Mais quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Et tout d'un coup, la situation, tout d'un coup, nous sommes là. Voilà, tout d'un coup, nous sommes là. Et c'est ça qui est intéressant avec l'art. Moi, je trouve tout d'un coup, on est là. On n'est plus dans Internet, on n'est plus dans sa tête, on n'est plus dans le parcours pour aller au boulot. On est là. C'est dur hein, d'être là. Hein. Là c'est à la fois ténu, c'est minuscule, là. Et là, en même temps, c'est ce qui fait qu'on vit, quoi. C'est la vie, quoi. Donc, c'est tout petit, mais s'il n'y a pas ça, il ne se passe pas grand-chose hein, dans une vie, quand même. Parce que dans une vie, on est toujours avant et après. C'est bien quand on arrive à être là. Moi, je dis ça parce que j'ai toujours des choses dans ma tête qui me reprennent, je suis toujours décalé. Alors, j'adore quand je lis un poème, au moins, je suis là. Je suis là, là, là. Quand je lis un poème, quand je joue au tennis ou quand je fais l'amour, je suis là. Voilà. Après, quand je conduis, des fois, je suis un peu avant ou un peu après. Voilà. Je suis un peu, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ou alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ou, enfin, bon, tous ces trucs affreux qui font qu'on n'est jamais là. Voilà. Donc, moi, le but, c'était d'être là, quoi. D'être là en utilisant des mots qui agissent. Voilà. Et donc, la dimension corporelle, physique, elle est importante pour moi parce que ça fait partie du fait d'être là, d'avoir un corps, d'être un corps même, peut-être. Peut-être plus d'être. Ou de devenir un corps, je sais pas. Je sais pas, j'ai 40 ans, hein, ça commence déjà à travailler, là, hein, je suis pas conscient de tout. Hein. Voilà. Tu m'as parlé d'un petit texte un peu casse-gueule, c'est ça ? Ouais. Que tu veux peut-être... Je pense que ce serait peut-être le bon moment. Ouais, alors, c'est un texte qui s'appelle Écrit oral, j'en dis pas plus, je ne dirai rien là-dessus. Très bien. Écrit oral. Je fais semblant de lire un texte, comme si chacun de mes mots, des mots que je dis, avait d'abord été écrit. Je fais ça, de dire des mots comme s'ils étaient déjà écrits. Ça m'arrange bien de faire comme s'ils étaient déjà écrits, ça me donne une certaine contenance, ça me permet de ne pas partir dans tous les sens. Par exemple, je ne dis pas des choses inconvenantes ou des bêtises comme morceaux de caramel mou, la mémoire, mâcher, ma mère, le jour, présent, demain. Parce que les gens qui m'écoutent, si je disais ce genre de choses-là, ce que je viens de dire, ils pourraient avoir du mal à se représenter le sens de cette phrase. C'est difficile toutes ces combinaisons, ça ne parle pas toujours, des fois c'est mal dit. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire d'un entre guillemets grignote trimestrielle tendresse en boîte de redressement abrasif ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les mots et les images ne collent pas toujours. On peut chercher à les recoller, tant bien que mal, ou on peut essayer de les écarter pour faire une petite allée. Par exemple, écarter les mots et les choses et se planquer dans l'interstice et peut-être pendant que quelqu'un d'autre compte jusqu'à 100 pour venir nous chercher. Puis nous, on est bien planqués là entre les mots et les choses. Et puis, d'une certaine manière, on se sent vachement bien. Est-ce que vous avez vu ce documentaire ? Alors, j'arrive pas à retrouver le titre, qui est extraordinaire. Documentaire Arte sur les lapins qui vivaient entre les deux séparations de barbelés entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Hein. Que voulez-vous dire de plus ? Vous voulez dire quoi de plus ? Vous voulez dire ? Vous voulez redire quoi ? Encore que, bien sûr, la pluie, son développement, les années 53-55. L'important est de respecter la ponctuation, de se mettre dans le mouvement, le mou, le m caché dans tous les mots, y compris ceux qui ne contiennent pas la lettre M. Par exemple, le mot berlingot, vous entendez le M qui sonne dans le mot berlingot, entendez le M qui sonne, berlingot, vous entendez ? J'aime ça, j'aime entendre cette petite musique me chatouillait l'entendre au fin fond des mots les plus insoupçonnés. M, cette rencontre des lèvres M si fugace, belle d'effet. M, R, comme un papillon qui glisse, se faufile entre la mastication de M, mot. Surtout ne pas l'accrocher, rester détaché. Pour ainsi dire, naturel, spontané. Pas comme, ni comment, ni quand, ni pourquoi, ni pour qui, ni participer à ça, avec tous les mots qui le disent à leur manière. Ce texte a été écrit par quelqu'un. Ce texte M a été écrit par quelqu'un d'autre. Ce texte M a été écrit M par quelqu'un d'autre à un certain moment de l'écriture. Merci. Petit texte de Sébastien Lespinasse. Vous êtes sur France Impro. France Impro, c'est de l'impro. Alors peut-être qu'on va se signer, qu'on s'en va, qu'on s'en va sur de l'impro, peut-être. Si tu veux. Voilà, peut-être. Donc on vient d'écouter un texte de Sébastien Lespinasse. On a Luc Fagoaga également ici et. Non, c'est pas Sébastien Sirotto, c'est Dominique Ève. Trompettiste aussi. Enfin. Herbe, oui. Voilà. Oui, parce qu'il n'est pas. Hein, tu te frottes à l'improvisation aussi, Sébastien. J'essaie de me frotter un peu de temps en temps. J'essaie. J'aime bien aussi quand l'improvisation se frotte un peu. On va voir comment ça frotte. Alors, d'accord. On va installer le micro de Dominique. Il est là, hop, ouais. Voilà. Petite balance en direct. Voilà, on entend la trompette de Dominique. Ça roule. C'est bon. Luc, au boulot aussi. Ouais, je vais venir avec vous. Enfin, si vous m'acceptez, évidemment. Hein. Bien sûr. Et ben voilà, Luc. Voilà. Un trio magique ce matin. Dominique Ève à la trompette, Sébastien Lespinasse, voix. Luc Fagoaga. À la voix aussi, hein. Voilà.

Un escargot n'est un néo-populiste. Nulle trace de biche négationniste. Les hérissons ne prônent pas l'anti-égalitarisme. Les papillons ne semblent pas touchés par l'anti-fiscalisme. Les coccinelles ne manifestent pas de rancœur à l'égard des insectes apatrides. Les écureuils ne dénoncent pas le complot international des puissances scélérates de la haute finance. Les chats, même les chatons, ne participent pas à des commandos anti-IVG. Les chevreuils ne militent pas au sein de groupes racialistes. Les tourterelles n'ont pas de visée métapolitique. Aucun oiseau, même déplumé, n'a jamais fait partie de la mouvance skinhead. Les musaraignes ne souscrivent pas au courant volkisch. Les carpes ne prennent pas le différentialisme ethnique. Les abeilles sont indifférentes à la secte Moon. Pas d'intégrisme chez les marmottes. Aucun ultra-conservateur chez les kangourous. Les sauterelles restent à l'écart des identitaires. Les brochets ne sont pas solidaristes. Absence totale de néofascisme chez les bouquetins. Pas de préférence nationale pour les grenouilles. La nature est belle. Un homme qui aime les animaux ne peut pas être complètement mauvais. N'éteignez toujours pas votre radio, vous êtes sur France Impro. Alors, on va continuer sur cette deuxième émission. On avait commencé une lecture d'un recueil écrit par Lee Kuan Yin, qui s'appelle ABCDR d'une expérience, qui parle de musique improvisée. Aujourd'hui, on accueille Lila Janvier, qui est, comment on dit, comédienne radiophonique. Ouais, on peut dire comme ça. Comédienne. Donc on en est à la lettre B. C'est ça, c'est la deuxième émission, lettre B. Lila, on t'écoute. Alors, B comme bavardage. Un des défauts majeurs que relèvent sans cesse aussi bien les détracteurs que les amateurs d'improvisation, c'est le bavardage. Ce problème récurrent soulève pourtant un fait essentiel. Il n'y a pas de règles absolues en improvisation, mais des règles relatives. Car aussitôt qu'un musicien ose improviser, c'est-à-dire tente de dépasser ses inhibitions face à l'absence de texte, c'est d'ailleurs bien curieux qu'une absence mène à une inhibition, il se mettrait souvent à beaucoup jouer, à occuper le terrain en quelque sorte au détriment de la libre circulation du matériau entre tous. Cette panique face au vide est pourtant une étape nécessaire. Elle permet d'explorer le matériau, fouiller dans l'instrument, dans le désordre, par n'importe quel bout. C'est une manière de s'emparer de l'instrument, de le désacraliser, d'en dégager les potentialités autrefois interdites. Dans le discours qui commence à se dégager, il faut parfois insister. Règle relative. Pour se sortir d'une impasse, tant qu'on n'a pas pris assez de recul dans la pratique pour pouvoir la contourner. Il faut pouvoir se coltiner son propre chaos. Règle relative. Avant de nourrir l'intuition d'un ordre collectif. C'est pourquoi la pratique doit être assidue et constante, permettant de se dépasser dans son bavardage et d'en dégager ensuite un vocabulaire formé, précis dans son retranchement, parcimonieux. C'était donc un extrait de « Improviser librement, abécédaire d'une expérience » de Lee Kuan Yin. Merci Lila. Avec plaisir. Et donc juste avant, juste pour rappeler ce trio inédit, Sébastien Lespinasse, Luc Pagoaga et Dominique Ève à la trompette. Et moi, c'est Fagoaga, hein, personnellement. Dominique, c'est un nom basque. Si tu nous, comment on dit Pagoaga? Fagoaga, ouais, là tu l'as bien dit. Fagoaga. Voilà, exactement. Premier voilà, coup. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Et Dominique Eo. C'est fou, je ne savais pas. Ça fait des années qu'on travaille ensemble pourtant, hein, Youssef Ghezal. Merci, Luc. Voilà, bah, on va passer la parole à Jean-Michel, à la technique et à la programmation. Allez, c'est de coutume dans l'émission, dorénavant, on essaye de vous concocter un petit programme associé aux musiques improvisées dans le mois qui suit. Donc l'émission étant diffusée le 15 novembre. Bah, à partir du 15 novembre, voici quelques dates que nous vous recommandons chaudement. Bah, le 15 novembre au soir, il s'avère que la Fraction Grossière, groupe de musique improvisée de 8 musiciens, dont quelques-uns présents ici ce matin, oui, et d'autres, se produira à la Pizzeria Belfort, Porte de la Fontaine. C'est rue Bertrand de Born, à côté de la place de Belfort. On peut aussi s'y restaurer. Je crois que le rendez-vous, c'est autour de 19h30, 20h, quelque chose comme ça. Donc, c'est le 15 novembre. Voilà. Ensuite, c'est un concert qui est aussi produit par Le Pavé dans le Jazz, qui a lieu deux jours de suite, le 20 et le 21 novembre. Ça se passe à 20h30 à la Salle Bleue, rue Croix-Baragnon, numéro 24. Ça s'appelle Wahai, avec des invités. Wahai, c'est Robin Ficker au sax, Paul Rogers à la contrebasse et Fabien Duscon à la batterie. C'est un trio incroyable, enfin, c'est pour ceux qui l'ont vu. Et ils vont inviter deux personnes qui sont Catherine Vaudraska au piano et Jean-Yves Évrard à la guitare. Donc pour les... Ça, à ne pas manquer, quoi, en gros, hein, voilà. Donc, c'est le 20 et le 21 novembre à 20h30. Voilà. Ensuite, je crois que Youssef, tu avais aussi une date au mois de décembre. C'est pas la mienne, c'est celle de Grand Piac. Bah, tu joues dedans, non, il me semble. C'est vrai, je joue dedans. Voilà. Bah, allez, un peu de promo. Là, Grand Piac. Bravo. Alors, Grand Piac, c'est une extension de Piac. Qui connaît Piac? ici. Moi, Luc, moi, je connais. On a deux personnes qui ont levé la main. Copains, vous allez gagner un CD de Piak. On le dira à Florian Astorgue. Florian Astorgue, bon, on aurait pu parler de la programmation de Florian Astorgue. Il est bien connu ici à Toulouse. Tout à fait. Sauf qu'il joue à Vienne, donc c'est un peu loin. Et puis, on peut pas trop. Enfin, on parle pas trop. Voilà. Et donc, voilà, Grand Piak, c'est Julien Ginest, Florian Astorgue et Bertrand Fraisse. Tout à fait, bien voilà. Prononcé, bravo. Et donc, du coup, ils ont eu l'idée de monter Grand Piak. C'est une extension. Et du coup, on passe de 3 à 9. Donc, on appelle ça un honnête. Et ça va jouer au Pavillon Sauvage le 3 décembre. Voilà, il faut venir à 20h ou un peu avant si on veut boire des coups. Et j'en profite aussi pour parler aussi d'un atelier de musique improvisée qui a lieu. Alors, je ne sais plus, je pense que c'est tous les... Troisième jeudi du mois, c'est à l'impro, qu'a fait l'impro rue Gambetta. En tout cas, la prochaine, c'est le jeudi 20 janvier également. Et tous les musiciens sont les bienvenus, ça joue. Voilà, c'est fait pour et ça mérite d'être souligné. Voilà, alors oui. Peut-être pour dernier rendez-vous, c'est la prochaine émission. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. France Impro, ce sera le deuxième samedi de décembre, donc. À 10h. Et nous aurons l'immense honneur de nous avoir Pierre, mur porteur de la musique improvisée avec Eddie Boubaker. Ouais. Ils vont fêter les 10 ans de la Maison Peinte et viendront nous parler de ça. Alors, ouvrez bien vos oreilles parce que je pense que ça va être assez dense. Quoi. Voilà. Et moi, j'ai juste une petite annonce à dire aussi par rapport à tout ce qui est poésie sonore, performatif, tout ça. Y a un livre qui vient de sortir il y a 5-6 jours qui est un livre de Christophe Tar... Enfin, qui est un livre qu'on a fait à partir des archives de Christophe Tarkos. C'est Philippe Castelin qui s'en est occupé. Ça s'appelle L'Enregistré, c'est aux éditions POL. Alors, le livre est un peu cher, mais il y a un DVD et un CD dedans, plus la transcription de tas de poèmes. Et c'est vraiment merveilleux à voir, quoi. C'est-à-dire, quand on voit Tarkos improviser, travailler en public, mais c'est génial ce qu'il fait. Et voilà, sinon, vous avez toujours... quelques sites bien connus sur lesquels on peut trouver pas mal d'informations, notamment sur Christophe Tarkos qui s'écrit T-A-R-K-O-S. Voilà. Et quel est ce site alors? Quels sont ces sites? Alors, sur les sites de poésie sonore, vous avez notamment un qui s'appelle Tapin, c'est-à-dire toute action poétique inadmissible sur le net, bien sûr, hein, je pense que tout le monde a pensé à ça. Tapin, que je vous recommande. Fortement, qui est dirigé par un des poètes du groupe Boxon, dont j'ai oublié malheureusement le nom, mais qui est un mec incroyable. Vous avez librecritique.com qui propose des choses vraiment intéressantes en poésie sonore. Vous avez sinon le grand site des cultures expérimentales que vous connaissez déjà tous par cœur. Mais je le rappelle, c'est UbiWeb, bien sûr. Sur UbiWeb, là, vous trouvez à peu près tout. Ça peut être du Pina Bausch, ça peut être la oursonnade de Schwitters, ça peut être de la musique improvisée, ça peut être des dadaïstes fous, ça peut être tout. Enfin, vous trouvez vraiment une culture expérimentale extraordinaire, aussi bien en vidéo, en images, en MP3. Voilà, moi je vous conseillerais surtout, donc UbiWeb, allez faire un tour quand même, librecritique.com, tapin, et il y en a encore d'autres, mais déjà ces trois-là c'est pas mal. Il y a Poésie Bao aussi qui est pas mal, mais ouais, tapin c'est bien, hein. il y a des gens formidables, notamment un Laure Pigache que je vous recommande aussi. Bon, très bien. Voilà, on va bientôt, je crois... finir. On est très content de t'avoir accueilli, Sébastien. Merci beaucoup. Merci. Il devait y avoir Sébastien Siroto, qui n'est pas venu. Je pense qu'il était en théâtre hier. Je pense qu'il a eu un peu de mal à se lever. Ce qui nous a permis d'improviser avec toi, moi en tout cas, et Dominique. Ouais, je pense que c'est une très chance. Content, moi très aussi, content. Très content. Bien sûr. Même si c'est toujours difficile dans le matin, comme ça, quand la voix n'est pas encore complètement en sortie. Bien. Mais enfin, bon... Voilà, et ben écoute, encore merci, et peut-être qu'on va finir par un dernier morceau, c'est ça? Avant de se dire au revoir, une petite piste sonore. De qui? Ah, Bernard Isaac, vous passez le tout autour de la douce. Juste, je raconte tout petit peu le poème que vous n'entendrez pas en entier parce qu'il dure une quinzaine de minutes. Et c'est très simple. Bernard Isaac, c'est un des fondateurs de la poésie sonore dans les années 50. On lui a demandé, la ville de Vaduz, qui est une toute petite ville dans le Liechtenstein, lui a demandé de faire un poème pour cette ville. Il ne savait absolument pas quoi faire. Il a beaucoup cherché, puis il s'est dit, bah, je vais, au lieu de parler de Vaduz, que je ne connais pas, je vais parler de ce qu'il y a tout autour de Vaduz. Donc voilà, on écoute un extrait donc, de Vaduz. Il y a des Suisses. Autour de Vaduz, il y a des Autrichiens. Autour de Vaduz, il y a des Allemands. Il y a autour de Vaduz, des Tyroliens. Il y a des Saxons. Il y a autour de Vaduz, des Bavarois. Il y a autour de Vaduz, des Silésiens, des Tchèques. Il y a autour de Vaduz, des Slovaques. Il y a autour de Vaduz, des Magyars. Il y a des Slovènes. Il y a des Ligures. Des Vénitiens. Des Italiens. Il y a des Provençaux. Il y a des Savoyards. Il y a tout autour de Vaduz, des Lorrains. Des Alsaciens. Il y a autour de Vaduz, il y a des Polonais. Il y a des grands Russes. Il y a des Ruthéniens. Il y a autour de Vaduz des Tziganes. Tout autour de Vaduz. Des Ukrainiens. Tout autour de Vaduz. Des Monténégrins. Tout autour de Vaduz. Des Roumains. Tout autour de Vaduz. Des Serbes. Il y a autour de Vaduz. Il y a tout autour. Il y a tout autour de Vaduz. Des Serbo-Croates. Il y a des Macédoniens. Il y a autour de Vaduz. Des Albanais. Il y a des Grecs. Des Siciliens. Des Toscans. Des Sardes. Des Néfoussas. Des Berbères. Il y a des Andalous autour de Vaduz. Il y a des Espagnols. Il y a des Catalans. Il y a autour de Vaduz. Des Basques. Tout autour de Vaduz. Des Occitans. Des Auvergnats. Il y a autour de Vaduz. Tout autour de Vaduz. Des Français. Tout autour de Vaduz. Des Bretons. Il y a des Vallons. Il y a des Vallons. Il y a des autour de Vaduz. Des Gallois. Il y a autour de Vaduz des Flamands. Il y a des Néerlandais. Tout autour de Vaduz. Des Anglais. Il y a des Frisons. Il y a autour de Vaduz des Prussiens. Il y a autour de Vaduz des Danois. Il y a des Baltes. Tout autour de Vaduz des Lituaniens. Des Estes. Des Caréliens. Il y a autour. Autour de Vaduz. Il y a des Blancs Russes. Tout autour de Vaduz. Il y a des Juifs. Il y a tout autour de Vaduz des Finlandais. Il y a tout autour de Vaduz des Velcorussiens, des Biélorussiens, il y a des Tchérénis. Il y a autour de Vaduz des Kirghiz. Il y a autour de Vaduz des Utsuls. Il y a autour de Vaduz des Kachoubs. Il y a tout autour. Tout autour de Vaduz. Tout autour de Vaduz des Bulgares. Il y a autour de Vaduz des Sorabes. Il y a tout autour de Vaduz des Turcs. Il y a tout autour des Azerbaïdjani. Il y a autour de Vaduz des Tchèques, il y a des Tosques, il y a des Crétois, il y a autour de Vaduz des Yougoslaves, il y a des Koumis, il y a des Kabyles autour de Vaduz, et des Mozabites. Il y a tout autour de Vaduz des Ouennaïl, il y a tout autour des Djebala, il y a tout autour des Djebala, tout autour de Vaduz des Schleux, Voilà. Bon bah voilà, c'était la deuxième émission France Impro sur Éphémère qui nous accueille, qui sont super sympas et même qui a pas Mika et on l'a réussi. On est super content. On est aujourd'hui donc le 15 novembre et on était aujourd'hui avec Lila Janvier qui nous a lu un texte de Lee Kuan Yin, Sébastien Lespinasse qui est à la voix. Luc Fagoaga à la voix animateur, à la technique il y avait Jean-Michel Socré, Dominique Eve à la Ov et O à la trompette et moi-même Youssef Ghazal à la technique. Eh bien, merci à vous tous. Merci à toi. Rendez-vous le 13 décembre pour la prochaine émission et puis bah, portez-vous bien, à bientôt.